don't continue like the message today, sir. And because of the message on Sunday, which is, we talked about the Holy Spirit and then our tongues. So there are some things that the Lord wants us to understand also today concerning Christ, the Holy Spirit and tongues. Und wir haben auch über das Fremdzungensprechen gesprochen und deswegen möchte der Heilige Geist für noch einige Sachen mehr über dieses Thema verstehen. Deswegen werden wir auch heute über das Fremdzungensprechen und den Heiligen Geist reden. Et la semaine passée, nous avons parlé sur parler en langue. Et c'est ça pourquoi aujourd'hui, on parle aussi sur le Christ, le Saint-Esprit et parler en langue. Everything of Christ comes by revelation. Alles von Christus kommt durch Offenbarung. Tout du Christ vient à travers des révélations. Because with the natural mind, no man can know Christ. Wie mit dem natürlichen Verstand kann niemand Christus erkennen. Parce qu'avec tes pensées humaines, tu peux pas comprendre Jésus-Christ. Everything in Christ's world always come by revelation and not by information. Alles von Christus in der Welt von Christus kommt durch Offenbarung, nicht durch Information. Et tout au monde du Christ vient à travers par la révélation et pas par des informations. Formation is 5 senses. Information basiert auf den 5 Sinnen. Parce que les informations sont basées sur les 5 sens. It is flesh. Das ist fleischlich. Et c'est charnel. Revelation is of the spirit. Aber Offenbarung ist Geist. Mais la révélation est esprit. No, it is Christ revealing Christ to you. Es ist Christus, der Christus dir offenbart. Parce que c'est le Christ qui révèle le Christ. To believe Christ is by revelation. Christus zu glauben ist durch Offenbarung. Et croire Jésus-Christ à travers une révélation. And to know him is by revelation. Und ihn zu erkennen ist durch Offenbarung. Et même de connaître Jésus-Christ, ça vient à travers des révélations. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why 2 Corinthians said, 1 Corinthians 2 verse 14. Let's go there. 1 Corinthians 2 verse 14. 1 Corinthians 2, 14. 1 Corinthians 2, verset 14. He said, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Praise the Lord. Hallelujah. And you wonder why they cannot get it when you are preaching to them. Und du wunderst dich, weshalb sie es nicht verstehen können, wenn wir zu ihnen predigen. Et quand tu lis 1 Corinthiens 2, verset 14, tu peux voir pourquoi les gens ne comprennent pas quand tu prêches. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. Fleisch und Blut können das Königreich des Himmels nicht erben. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. It takes the spirit to inherit the kingdom of heaven. Es braucht den Geist, um das Königreich des Himmels zu erben. Parce que tu as besoin de l'esprit pour hériter le royaume des cieux. Put something here. Go to 1 Corinthians 15. 1 Korinther 15. 1 Corinthians 15. Verse 50. 50. Verse 50. He said, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither does corruption inherit incorruption. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. Fleisch und Blut können das Königreich des Himmels nicht erben. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Amen. Amen. It is spirit that can inherit it. Nur der Geist kann es erben. Seulement l'esprit peut hériter le royaume de Dieu. And that's why Jesus said, the word that I speak unto you, they are spirit, they are life. Deswegen sagt Jesus, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ dit, les paroles que je vous parle sont esprit et la vie. It's only Christ's word that is spirit and life. Nur das Wort von Christus ist Geist und Leben. Seulement la parole de Christ est esprit et vie. All others, they are flesh and blood and death. Alles andere ist Fleisch und Blut und Tod. Et toute autre parole est la mort et charnel, et puis surtout, charnel. And that's why John 6:63. Jesus said, the word that I speak unto you, their spirit, their life. Deswegen sagt Jesus in Johannes 6:63, dass die Worte, die ich zu euch spreche, Geist und Leben sind. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean 6:63 que les paroles que je vous parle sont esprit et vie. Help us to know that his word is only his word that is different. Es hilft uns zu erkennen, dass nur sein Wort anders ist. Et il nous aide à comprendre que seulement ses paroles sont différentes. Amen. Amen. Religious word is death. Das flesh and blood and is death. Ist Fleisch und Blut und ist Tod. Et à la parole de la religion, mais des religions en général, sont mortes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Back to First Corinthians 2, please. 1 Corinthians 2, 14. Verse 14. It says, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, but they are foolishness unto him. Neither can he know them. That's why speaking in tongues, you cannot understand it. Mm-hmm. It is foolishness unto man. Mm-hmm. If you are in the flesh, you just see it as useless. Mm-hmm. You see it as wasting your time. Mm-hmm. And you see that it passed away with the apostle. It's no longer working. Wenn du im Fleisch bist, wirst du denken, dass es nicht mehr funktioniert, dass es vergangen ist mit den Jüngern. Et c'est la même chose avec parler en langue. Si tu es dans la chair, tu ne vas même pas comprendre que c'est vraiment important. Et tu vas même croire que depuis que les apôtres sont plus ici sur terre, qu'il n'y a pas aussi parlé en langue. Praise the Lord. Hallelujah. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Speaking in tongues is spiritually discerned. Fremdzungen zu sprechen muss geistig erkannt werden. Et parler en langue, ça doit être spirituellement jugé. You can be in a living church for 10 years, 20 years, without submitting to Christ. You will be a natural man. Du kannst 10 Jahre in einer lebendigen Gemeinde sein, aber wenn du dich nicht dem Heiligen Geist hingibst, wirst du ein natürlicher Mensch bleiben. Et tu peux être aussi 10 ans ou bien 20 ans dans une église vivante, mais si tu ne te soumets pas au Saint-Esprit, là tu vas rester un homme naturel. The kingdom of, you know, because the Holy Spirit is a gentleman. He never forces anybody or force things to be done. He never forces sin on you. You choose, you know, the Lord choose you and you are to choose him. If the Lord tell you I love you, you have to tell him I love you too. It's both sides. Genau, der Heilige Geist ist ein Gentleman und er wird dich nicht dazu zwingen, ihm zu gehorchen, sich ihm hinzugeben. Wenn er sagt, dass er dich liebt, dann musst du ihm auch zurück diese Liebe erweisen. Et le Saint-Esprit, il est un gentleman parce qu'il ne va pas te forcer à l'obéir. Quand il te dit qu'il t'aime, il veut aussi que toi-même tu dis aussi que tu l'aimes. Ça doit être par ta propre décision et ta volonté. Praise the Lord. Hallelujah. I love verse 15. Look at verse 15. Verse 15. Verse 15. He said, but he that is spiritual judgeth all things. It's not only that of Christ. Satan is also spirit. Nicht nur das von Christus ist geistlich, auch Satan ist ein Geist. Et pas seulement le Christ est spirituel, mais aussi le diable. And that is why spiritual. Spiritual here is not just only that of Christ. Deswegen geistlich. It's also that of Satan. That is why Satan was able to know. He said, Jesus, I know, Paul, I know, who are you? Und geistlich ist nicht nur das von Jesus, sondern geistlich auch das vom Teufel. Deswegen war der Satan auch in der Lage zu sagen, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich, wer bist du? Er war in der Lage zu urteilen über den Geist. Et dans verset 15, on a écrit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Donc ça montre que ce n'est pas seulement le Christ qui juge tout, mais c'est aussi le diable, parce que le diable a dit à une personne, Paul, je connais le Christ, je connais, mais qui es-tu? Donc ça montre qu'il peut aussi juger. You can also see that of the damsel, amen, that was following Paul everywhere and saying, this is the servant of the Most High God. He could see. And he could judge. Genauso it's not only you that judge. Satan judge. Genauso dieses kleine Wahrsagermädchen, was in der Lage war zu erkennen, dass Paulus ein Nachfolger von Christus war. Und sie konnte den Geist unterscheiden, der in Paulus gewirkt hat, obwohl sie nicht von Christus war. Sie hat das mit der Kraft des Satans hat sie das gemacht. Es la même chose aussi avec la jeune sorcière qui était dans l'acte des apôtres. Elle a été capable à juger et reconnaître l'esprit de Paul. You cannot deceive Satan by compromising with him. You can only deceive him by choosing Christ. du kannst den Satan nicht täuschen oder besiegen. Or win him. Du kannst den Satan nicht besiegen. Or defeat him. Wenn du seine Waffen nutzt. Du kannst ihn nur besiegen, wenn du die andere Waffen nutzt. Höhere, erhabenere Waffen. Das sind die Waffen von Christus. Amen. Et c'est ça pourquoi tu ne peux pas vaincre le, tu peux pas vaincre le diable quand tu commences à faire des compromis avec lui, mais c'est, tu peux le vaincre quand tu te soumets à Jésus-Christ. Look at verse 15. Say, but he that is spiritual judgeth all things. Verset 15. Yet he himself is judge of no man. No flesh and blood can judge the spirit. Kein Fleisch und Blut kann den Geist richten. Et aucun sang et aucune chair peut peut juger l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It is only through revelation you can believe Christ. Nur durch Offenbarung können wir an Christus glauben. Seulement à travers une révélation tu peux croire Jésus-Christ. It is only through revelation you can know Christ Jesus. Nur durch Offenbarung kannst du Christus Jesus kennen. Seulement à travers une révélation tu peux reconnaître Jésus-Christ. Are you getting it? The kingdom of heaven is an insurance kingdom. Das Königreich des Himmels ist ein Königreich der Versicherung. Et le royaume des cieux est un royaume d'assurance. It is also a revelation kingdom. Es ist auch ein Königreich Offenbarung. C'est aussi un royaume de révélation. Amen. Amen. I hope you understand what revelation means. Revelation means Christ revealing himself to you. Offenbarung bedeutet, wenn Christus selbst sich dir offenbart. Revelation signifie que le Christ se révèle à toi. And it is faith before revelation. Und es ist Glaube vor Offenbarung. Et la foi vient avant la révélation. It is different from the system of this world. Es ist anders als das System dieser Welt. Et c'est différent au système de ce monde. The system of this world you see before you believe. Das System dieser Welt siehst du und dann glaubst du. Et au système de ce monde tu vois d'abord et c'est après là tu crois. In the kingdom of heaven you believe before you see. Aber im Königreich des Himmels da glaubt man bevor man sieht. Et mais au royaume des cieux tu crois d'abord avant de voir. Amen. It is faith before revelation. Es ist Glaube vor der Offenbarung. C'est toujours la foi avant la révélation. Revelation comes from believing, then you see, then you can then see. Offenbarung kommt von Glauben und danach kannst du sehen. Et la révélation ça vient à travers la foi et c'est après là tu peux voir. Am Sonntag werde ich das eventuell vertiefen mit der Offenbarung. Le dimanche, je vais parler aussi sur la révélation. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Go to Matthew 11. Matthäus 11. On va lire Matthieu 11. Verse 27. Jesus is the one speaking here. Jesus spricht hier. C'est Jésus qui parle ici. He said, all things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son. And he to whomsoever the Son will reveal him. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. If you also go to Matthew 16, since we are saying Matthew. Matthew 16. Matthäus 16. Matthew 16 aussi. If you read from verse 13 to 17. 13, 17. Verset 13 à 17. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, amen, or one of the prophets. You know, all these, they are prophets. Elijah, Jeremiah, you know, John the Baptist, they were all prophets. Das sind hier alles Propheten, die hier aufgezählt werden. Ici on peut voir que Jean-Baptiste, Elie et même Jérémie ont été des prophètes. You know, if you have the ask the Muslim today, they call Jesus the prophet. Wenn du Muslim heutzutage fragst, werden sie sagen, dass Jesus ein Prophet ist. Et quand tu demandes les musulmans qui sur l'identité de Jésus-Christ, ils vont dire que Jésus-Christ est aussi un prophète. They call him a good man. Sie nennen ihn einen guten Mensch. Amen. Jesus is something more than good. Aber Jesus ist mehr als gut. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 15, he said unto them, but who say ye that I am? What about you? In Vers 15 sagt er, für wen haltet ihr mich? Dans verset 15, dit, qui dites-vous que je suis? And Simon Peter answered and said, thou art Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Amen. The Holy Ghost has revealed this. Der Heilige Geist hat euch das offenbart, hat es dir offenbart. Jésus-Christ dit ici à Pierre que c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé mon identité. Amen. Mm. If you search for Jesus with your natural mind, Satan will reveal himself to you. Wenn du nach Jesus suchst mit deinem natürlichen Verstand, wird der Satan sich dir offenbaren. Et si tu cherches Jésus-Christ avec tes pensées humaines, là tu vas raconter le diable, c'est le diable qui va se révéler à toi. Amen. And that's why the Bible is not written to your mind, it's written to your spirit. Deswegen ist die Bibel nicht an deinen Verstand gerichtet, geschrieben, sondern an deinen Geist. Et c'est ça pourquoi la Bible n'est pas écrite à tes pensées naturelles, mais à ton esprit. Your mind can only get the things of this world, the five senses. What they see, what they feel, what, you know, things. The Bible, you need another eyes to know what is there. Mit dem Verstand kannst du nur das greifen, was die fünf Sinne erlauben, aber... Not the natural eye, not this korokoro eye that you have. Für die Bibel, für das Wort Gottes, dafür brauchst du andere Augen, nicht deine fleischischen Glubschaugen. Et quand tu lis la Bible avec tes cinq sens, tu vas pas vraiment être capable à comprendre la vérité dans la Bible. Tu vas être, tu as toujours des limites quand tu lis la Bible avec tes cinq sens. C'est ça pourquoi tu as besoin des yeux spirituels pour comprendre la vérité dans la Bible. Praise the Lord. Hallelujah. You know, one example, just one example is that of Elisha and the servant. Amen. You remember the story. Mm-hmm. He said, the Lord, Elisha prayed that the servant's eyes be open. That man's eye was open like your eyes. Yeah. Big as saucer. You can see it as so big. Yet he could see nothing. The spiritual eyes need to be open. Mm-hmm. And it can only be open through Christ. Und genauso wie bei der Geschichte bei Elijah, wo er mit seinem Knecht wo darum gebeten hat, dass die Augen seines Knechtes sich öffnen, obwohl die Augen seines Knechtes physisch auf waren, genauso wie sie jetzt hier auf sind und bei euch. Aber er hat darum gebeten, dass die geistlichen Augen sich öffnen. Und diese Öffnung, das kann nur der Heilige Geist durchführen, das kann nur Christus durchführen. Et c'est ça pourquoi même dans l'histoire d'Élie avec son servant, on pouvait voir qu'il a demandé Dieu que les yeux de ses servants soient ouverts. C'était pas parce qu'il était aveugle, il pouvait voir normal comme nous tous on voit avec nos yeux naturels, mais il y a aussi des yeux spirituels pour comprendre et pour avoir aussi une révélation sur la réalité spirituelle. And your spiritual understanding needs to be open. Und dein geistliches Verständnis muss geöffnet werden. Et ta compréhension spirituelle doit être ouverte. Amen. Amen. You know, remember two men that we are going, and the Lord opened their spiritual understanding so that they cannot see him. Also, if you go to Hebrew 11, you see, look at it, verse 3. Go to Hebrew 11, verse 3. Genauso wie diese zwei Männer, die auf dem Weg nach Emmaus waren und sich unterhalten haben über Jesus, während Jesus dabei war und gar nicht wussten, dass es Jesus ist. Und Jesus musste ihnen auch die Augen öffnen, damit sie erkennen, dass Jesus ist, der gerade in ihrer Mitte steht. Et après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ marche aussi avec les hommes dans marche aussi avec des hommes, mais ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ qui a ouvert les yeux de ces gens-là pour qu'ils comprennent qui est devant eux. Verse 3 says, through faith, we understand that the words Hébreux 11, verset 3 were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Praise the Lord. Hallelujah. Through faith, we understand. Faith opens your understanding. Der Glaube öffnet unser Faith Verstand. In Christ opens your understanding. Der Glaube an Jesus Christus öffnet unseren Verstand. Dans verset 3, on a écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons. Donc ça montre que c'est la foi qui ouvre notre compréhension. Be hungry of the true Christ. Sei hungrig nach dem wahrhaftigen Christus. Il faut avoir faim de du Christ, du vrai Christ. And be ready to believe him. Und sei bereit, ihm zu glauben. Whatever he says. Egal was er sagt. Et sois prêt de lui croire. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? It may not make sense to the natural mind. Vielleicht macht es keinen Sinn für den natürlichen Verstand. Et peut-être ça fait pas du sens pour ça n'a pas du sens pour l'homme, pour les pensées naturelles. Because everything of him never makes sense to the natural mind. Weil alles von ihm macht nie Sinn für den natürlichen Menschen. Parce que rien du Christ a du sens pour l'homme naturel. Praise the Lord. Alleluia. For death to meet life does not make sense to the natural mind. Dass der Tod auf einmal Leben bedeutet und Leben Tod, das macht keinen Sinn für den natürlichen Menschen. Et pour l'homme, pour l'homme naturel, ça n'a pas du sens que la mort devient la vie et la vie devient la mort. Praise the Lord. Hallelujah. To be blessed, you know, to, it is more blessed to give than to receive. Does not make sense to the natural man. Das Geben seliger ist als Nehmen macht keinen Sinn für natürlich gesunden Menschen. Et même dans la Bible, on a écrit que c'est mieux, puis c'est une bénédiction de donner au lieu de recevoir. Have you ever seen anybody that is happy, so happy that I bless somebody today? It's always I receive from somebody today. Amen. Amen. And the Bible said it is more blessed to give than to receive. Mm-hmm. Habt ihr jemals ihr Leute gesehen, die sich wirklich so krass freuen darüber, dass sie geben durften? Stattdessen sind mal Leute, die sich da so krass darüber freuen, dass sie Dinge bekommen, ne? Wie Lottogewinner beispielsweise. Sie freuen sich so sehr über diesen Gewinn. In umgekehrter Richtung siehst du das nicht, sei denn, es ist irgendwas anderes dahinter. Und genauso ist es auch mit dem Geben, dass das Geben halt seliger ist als das Nehmen. Das macht für den natürlichen Verstand keinen Sinn. Dans ce monde, on peut toujours voir que l'homme se réjouit quand il peut recevoir quelque chose, mais jamais tu vois qu'un homme se réjouit quand lui-même est capable à bénir une autre personne. Quand par exemple une personne a gagné dans la loterie, il se réjouit toujours, mais jamais tu vas attendre qu'il se réjouit quand il donne tous ses biens à une personne. It takes the Holy Ghost to bless a living church. Es braucht den Heiligen Geist, eine lebendige Gemeinde zu segnen. Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir bénir une église vivante. Amen. Because you never see it as a testimony. Weil du siehst es niemals als ein Zeugnis. Parce que l'homme naturel ne le voit jamais comme un témoignage. You know, if somebody give you money, you give come out and give testimony. Wenn jemand dir Geld gibt, kommst du raus und gibst Zeugnis davon. Parce que si quelqu'un te donne l'argent, là tu vas donner un témoignage à l'église. Amen. But blessing the house of Christ, you never see it as a blessing. Aber das Haus and Gottes that's why you never even give it as a testimony. Das gibst du nicht als Zeugnis, weil du es nicht mal als Segen siehst. Mais quand toi maintenant tu es capable à bénir une église vivante, tu ne le donnes jamais comme un témoignage parce que tu ne reconnais pas que c'est actuellement une bénédiction de le faire. He said it is more blessed to give than to receive. Sagt, geben ist seliger als nehmen. C'est une plus grande bénédiction de bénir et de, oui, de donner que de recevoir. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Again, it takes the Holy Ghost, the power of the Holy Spirit, to be there for a living church. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um da zu sein für eine lebendige Gemeinde. Et tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être là pour une église vivante. Because in a living church, there is no threat. In einer lebendigen Gemeinde. There's no threat that if you don't give, God will punish you. Gibt's keine Bedrohung im Sinne von, dass wenn du nicht gibst, wird Gott dich bestrafen, dich zerstören. Mm-hmm. Et parce que dans une église vivante, il n'y a pas de traite, mais tu n'as pas peur que si tu ne donnes pas à l'église, Dieu ne va pas te bénir, mais il va te punir. Amen. Amen. Yes. Menace. Menace, oui. Praise the Lord. Amen. There's no threat that if you don't bless the house of Christ, you will not have children. You will not have money. You will not have this. You will not be blessed because you did not bless the house of God. Oder Amen. Es gibt keine Bedingungen im Sinne von, wenn du das Haus Gottes nicht segnest, dann wirst du keine Kinder bekommen oder du wirst niemals heiraten oder du wirst deine Prüfungen alle nicht bestehen, du wirst dauernd Pech haben, du wirst immer im Krankenhaus landen. Also so welche Drohungen gibt es in einer lebendigen Gemeinde nicht. Et quand tu es dans une église vivante, il n'y a pas des menaces où tu as peur que si tu ne bénis pas l'église, tu ne vas pas avoir des maisons, des enfants, mais même la richesse en général. Il n'y a pas des conditions dans une église vivante. Amen. In a living church, you bless because you are already blessed. In a lebendigen Gemeinde segnest du, weil du schon gesegnet bist. Et dans une église vivante, tu bénis parce que tu es déjà béni. It means there is no flesh to move you. Das heißt, es gibt kein Fleisch, was dich dazu motiviert. Il n'y a pas une chair qui te motive. Amen. It's only the spirit that moves you. Es ist nur der Geist, der dich dazu motiviert zu geben. C'est seulement l'esprit qui te pousse à bénir l'église. Amen. To be there for a living church is no joke. Für eine lebendige Gemeinde da zu sein ist ist eine ernste Sache. Et d'être là pour une église vivante, c'est pas une petite chose. Because it's as if you cannot even see any reward. Weil es ist so, als ob du manchmal einen Vorteil daraus siehst, zu geben, in deinem Geben. Parce que ça semble comme s'il n'y a pas de récompense ou bien des avantages quand tu donnes dans une église vivante. Are you getting it? In a religious church, you can see, you don't have a lot of reason to bless the house there. Because, you know, so that you have joy, so that you have peace, so that you will have money, so that you have position, so that you will pass your exam, so that you will not be sick. You can see it. Amen. Yeah. Seems to motivate you, to move you, but in a living church, it's only Christ. In einer religiösen Gemeinde gibt es viele Dinge, die dich dazu motivieren, viele fleischliche Dinge, die dich dazu motivieren zu geben, ne? Dass du dann endlich deine Kinder bekommst, dass du dann endlich, keine Ahnung, nicht mehr in der Kirche nicht mehr ganz hinten sitzt, sondern du darfst vorne auf den Ledersitzen sitzen. All diese fleischlichen Dinge, die diese Menschen dann versprechen, die halt so viel krasse Geber sind. Ne? Das ist halt alles fleischlich und nicht Christus. Et on peut même voir que dans une église religieuse, si par exemple tu donnes dans cette église, tu es très souvent motivé par des choses charnelles, qu'on va te donner une position, que Dieu bénisse ta maison, tes enfants, que tu peux avoir un mari. Donc tu es toujours poussé par la chair et jamais par l'esprit. The Holy Spirit needs your submission before you can know Christ. Der Heilige Geist braucht deine Hingabe, bevor du Christus erkennst. Et le Saint-Esprit a besoin de ta soumission avant que tu reconnaisses Jésus-Christ. Amen. He needs your cooperation. Il braucht deine coopération. Il a besoin de ta coopération. One of which is you receive or you accept and believe you have all his gifts. Und eine including speaking tongues. Eins davon ist, dass du akzeptierst und glaubst, dass du all deine Gaben empfangen hast. Und eine Gabe davon ist, das in fremden Zungen zu sprechen. Et une façon de se soumettre à Jésus-Christ est quand tu le crois que tu as reçu tous les dons du Saint-Esprit, comme par exemple parler en langue. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I hope you understand it. Mm-hmm. Christ, the Holy Christ, the Holy Ghost, and tongues, they are one. Christus, der Heilige Geist und in fremden Zungen zu sprechen sind eins. Par le Christ et le Saint-Esprit et parler en langue sont un. They are one and you cannot separate them. Die sind eins und du kannst sie nicht trennen. Ils sont un, tu peux pas les séparer. Because, you know, speaking in tongues is one of the gifts of the Holy Spirit. And you cannot separate the Holy Spirit from his gift. Weil in fremden Zungen zu sprechen ist eine Gabe des Heiligen Geistes und du kannst den Heiligen Geist von dieser Gabe nicht trennen. Parce que le Saint-Esprit et parler en langue sont un, tu peux jamais séparer le Saint-Esprit avec ce don. Amen. Christ speaking, Christ the Holy Ghost then speaking in tongues. Christus. It's one speaking in tongues is not only the gift, it's one of the gifts, and this gift is very, very important. It's a sign that Jesus said in Mark 16. This sign shall follow them. I hope you still will go there very soon. Das Amen. Zu sprechen, ist einer der that Zeichen. The sign of Mary shall be a virgin. So also this sign is very, very important. That follow believers. Diese Gabe ist eine, es ist nicht die einzige Gabe des Heiligen Geistes, aber es ist die Gabe, die unter anderem zeigt, dass wir wirklich zu Christus gehören, dass wir uns wirklich dem Heiligen Geist auch hingegeben haben. Weil Jesus auch gesagt hat, dass diese Zeichen werden denen nachfolgen, die mir nachfolgen sozusagen. Genauso wie dieses Zeichen, dass Jesus durch eine Jungfrau auf diese Welt kommen wird, wie es vorher prophezeit worden ist, war das auch ein Zeichen. Mm-hmm. Et parler en langue, c'est un don, comme déjà expliqué, et c'est aussi un signe que Jésus-Christ nous a laissé, parce qu'il a dit que certains signes vont suivre les enfants de Dieu qui appartiennent vraiment à Jésus-Christ. Parler en langue, ce n'est pas seulement le seul signe, mais le seul don que Jésus-Christ nous a laissé, mais c'est un don très important. Praise the Lord. Amen. No one can separate God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. So also no one can separate Christ, the Holy Ghost, and all the gifts of the Holy Ghost. Niemand kann Vater, Sohn und Heiligen Geist voneinander trennen. Genauso kannst du auch nicht Christus, den Heiligen Geist und die Gabe des Heiligen Geistes, also in Fremdzungen zu sprechen, unter anderem trennen voneinander. Personne peut séparer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est ça aussi pourquoi personne ne peut séparer le Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit avec praise the Lord. Et l'autre. The Holy Spirit never comes empty-handed into us. Der Heilige Geist kommt nicht mit leeren Händen in unser Leben. Amen. Er kommt mit all seinen Gaben. Et le Saint-Esprit, il vient jamais avec des mains vides dans ta vie, il vient avec tous ses dons. How can he pass away? How can his gift pass away while he's here? Wie kann dann seine Gabe ein Verfallsdatum haben oder verfallen sein, wenn er selber noch hier aktiv ist? Et comment ça peut être capable que le Saint-Esprit est toujours vivant, mais tous ses dons n'existent plus, sont morts? Praise the Lord. The Holy Spirit has his gifts. Der Heilige Geist hat seine Gaben. Viele Gaben. Et le Saint-Esprit a beaucoup de dons. Amen. So also is Satan. He has his own gifts also. Genauso auch der Satan hat auch seine Gaben. Et aussi le diable il a aussi ses dons. Once he comes into your life, that Satan comes with all his properties. Wenn der Satan in dein Leben kommt, kommt er mit all seinen Besitz, all seinen Gaben. Et quand le diable il vient dans ta vie, il vient avec tous ses dons. You cannot separate Satan from lies. Or whatever his property. You cannot separate Satan and his properties. So also, the Holy Ghost and his properties and his gifts you cannot separate. Du kannst den Satan von seinen Lügen nicht trennen. Genauso kannst du auch den Heiligen Geist von seinen Gaben nicht trennen. Comme tu ne peux pas séparer le diable de tous ses dons, mais tous ses biens, comme par exemple des mensonges, c'est comme ça que tu ne peux pas séparer le Saint-Esprit de ses dons. Time never affects the spiritual world. Die Zeit, it's only affects here, not spiritual. That is why we don't see time, we see Christ. Because time never, age or whatever, never affects us. Die Zeit beeinflusst nicht die geistliche Welt. Und genauso deswegen beeinflusst die Zeit auch uns nicht. Le temps n'influence pas à le monde spirituel et c'est comme ça aussi le temps peut jamais nous influencer. Is somebody getting it? Time never affects Satan. That you know he not come into your life without his gift. His gift pass away. He come the same trick he used to deceive Adam and Eve. He's still using it today. Everything they are still the same today. The Holy Spirit is not different. Yeah. Und genauso wie die Gaben des Satans nicht durch Zeit verfallen können oder veralten können, sondern immer noch frisch und aktiv bleiben, genauso ist auch die Gabe des Heiligen Geistes immer noch frisch und aktiv. Comme les dons du diable ne peuvent pas expirer, c'est comme ça aussi les dons du Saint-Esprit ne peuvent pas expirer. Ils sont toujours actifs, ils sont toujours vivants. The Holy Spirit is the Spirit of Christ. Der Heilige Geist ist der Geist von Christus. Et le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ. He called the Holy Spirit the Spirit of Truth. Er nennt den Heiligen Geist den Geist der Wahrheit. Il appelle le Saint-Esprit l'Esprit de la vérité. Who is the truth? Christ is the truth. Und wer ist die Wahrheit? John 14, Christus, verse 6, Jesus ist die Wahrheit. In Johannes 14,6 lesen wir das. Et qui est la vérité? C'est Jésus-Christ qui est la vérité. On peut l'écrire dans Jean 6. You can know that will help you to know that the Holy Spirit is Christ's Spirit. Das wird dir helfen zu erkennen, dass der Heilige Geist der Geist von Christus ist. Et ça va t'aider à comprendre que le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The tongues is one of the gifts of the Spirit, of the Holy Spirit. Die Zungensprache ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. All his gifts are forever. All seine Gaben just sind like immer. Jesus is forever. Amen. Genauso wie Jesus für immer ist. Amen. Tous ses dons sont pour toujours, comme Jésus-Christ est pour toujours, il est éternel. They never pass away. Sie verfallen nicht. Because Jesus never passes away. Weil Jesus verfällt. So I am the way, I am the same yesterday, today and forever. Amen. Jesus sagt, ich bin der gleiche gestern, heute und für immer. Amen. Ça veut dire aussi que les dons du Saint-Esprit ne peuvent jamais expirer parce que Jésus-Christ a dit que je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Praise the Lord. Hallelujah. And all this gift of the Spirit, they are all weapons. Und alle Gaben des Geistes sind Waffen. Et tous les dons du Saint-Esprit sont des armes. Des armes. Tongues is a weapon. Zungensprache ist eine Waffe. That is a weapon. Et quand tu parles en langue, tu utilises aussi des armes. Praise the Lord. All the things of the Holy Spirit, they are weapons. Alle Dinge des Heiligen Geistes sind Waffen. Et tous les dons du Saint-Esprit sont des armes. His love is weapon. Seine Liebe ist eine Waffe. Amen. Son amour est une arme. You know, when they are fighting, you are blessing. You are just there praying for them. They think you are stupid. They don't know that we are fighting with the weapon that is greater than Satan. Mm-hmm. Greater than them and their father. Genauso wie wenn du, wenn sie dich bekämpfen, sie dich verfolgen, aber du dennoch mit der Liebe von Christus darauf antwortest, dann denken sie, dass du ignorant oder dumm oder naiv bist, aber sie wissen nicht, dass du mit einer höheren Waffe kämpfst, nämlich der Gabe des Heiligen Geistes. Comme par exemple si tu as les gens qui te poursuivent puis qui sont contre toi et toi maintenant au lieu de utiliser des armes humaines tu commences à utiliser des armes spirituelles comme par exemple l'amour, ils vont pas comprendre pourquoi est-ce que tu les donnes l'amour de Jésus-Christ. The Holy Spirit comes from inside Christ. So also the gift of the Spirit, they all come from inside the Holy Spirit. Der Heilige Geist kommt aus dem Inneren von Christus und genauso kommen die Gaben des Heiligen Geistes aus dem Inneren vom Heiligen Geist. Le Saint-Esprit, il vient de l'intérieur de Jésus-Christ et c'est comme ça aussi comme les dons viennent de l'intérieur du Saint-Esprit. If you reject Christ, you reject the Holy Spirit. Wenn du Christus verweigerst, verweigerst du den Heiligen Geist. Si tu rejettes Jésus-Christ, tu rejettes aussi le Saint-Esprit. And if you reject the Holy Spirit, you reject Christ. Wenn du den Heiligen Geist verweigerst, verweigerst du Christus. Et quand tu rejettes le Saint-Esprit, tu rejettes aussi Jésus-Christ. If you reject the Holy Spirit, you reject tongues. Wenn du den Heiligen Geist verweigerst, verweigerst all du the gifts, die Zungensprache und die anderen und alle anderen Gaben. Et si tu rejettes le Saint-Esprit, là tu rejettes aussi parler en langue et tous les autres dons. Amen. If you reject tongues, you reject the Holy Spirit. Wenn du die Zungensprache verweigerst, verweigerst du den Heiligen Geist. You cannot separate his gift from him. Weil du kannst seine Gabe nicht von ihm trennen. Et quand tu rejettes parler en langue, tu rejettes aussi le Saint-Esprit parce que tu ne peux pas séparer le Saint-Esprit de ses dons. It means once you are saying no to his gifts, speaking in tongues, it means you are saying no to the Holy Ghost. Das heißt, wenn du Nein sagst zu seinen Gaben, sagst du auch Nein zu ihm. Donc, quand tu dis non à ses dons, donc à parler en langue, par exemple, la tu dis sinon au Saint-Esprit. Without Christ, there is no Holy Spirit. Ohne Christus gibt es keinen Heiligen Geist. Sans le Christ, il n'y a pas un Saint-Esprit. And without the Holy Spirit, there is no tongues. Und ohne den Heiligen Geist gibt es keine Zungensprache. You don't have his gift. Dann hast du auch nicht seine Gabe. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas aussi ses dons. Praise the Lord. Hallelujah. And without the gift of the Holy Ghost, there is no Holy Ghost. Und ohne die Gabe des Heiligen Geistes gibt es keinen Heiligen Geist. Et sans le don du Saint-Esprit, il n'y a pas aussi un Saint-Esprit. Again, Christ, the Holy Spirit, and then the tongues, they are one. Christus, der Heilige Geist und die Zungensprache sind eins. Sie sind verbunden. Le Christ, le Saint-Esprit et parlé en langue, ils sont un. Ils sont connectés avec l'un et l'autre. Just like Jesus and his Father, they are one. In John 10, verse 31. Genauso wie Jesus und der Vater eins sind. Comme Jésus-Christ et le Père sont un, dans Jean 10, on l'a écrit. Up till today, some never believe it, that they are one. Es ist nicht glaubt, dass viele Leute nicht. Let's go there, please. John 10. Johannes 10. Jean 10. Verse 30. Jean 10, verset 30. Amen. Jesus is the one speaking here. He is saying that he speaks. C'est Jésus qui parle ici. He said, I and my Father are one. Et je suis le Père, nous sommes un. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. There are lots today that do not still believe that. Es sind viele, die es immer noch nicht glauben. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. They never believe that Jesus Christ is God. Niemals glauben, dass Jesus Christus Gott ist. Ils ne croient jamais que Jésus Christ est Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, they are one. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, sie sind eins. Rappelez-vous que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again in John 16, Jesus called the Holy Spirit the Spirit of Truth. In Johannes 16 nennt Jesus den Heiligen Geist den Geist der Wahrheit. Et dans Jean 16, Jésus-Christ appelle le Saint-Esprit l'Esprit de la vérité. The days of Pentecost is still on today. Die Tage von Pfingsten sind immer noch da. Et le jour de Pentecost existe jusqu'aujourd'hui. We experienced some time ago, just last week or so. Let's go back to Acts 2, please. Apostelgeschichte 2 und wir erleben das sogar haben das sogar noch vor kurzem erlebt letzte Woche. Et on a vécu cette espérance la semaine passée, Actes Apôtres 2, 1 to 4, 1 plus 4, Actes 2, verset 1 à 4. He said that when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterances. You can see that the tongues was coming from the Holy Spirit. Seht, die Zungensprache kam vom Heiligen Geist. Parler en langue venait du Saint-Esprit. Amen. It was not as these people think, but as the Spirit gave them utterances. Es war nicht so, wie diese Leute es gedacht haben, sondern so, wie der Geist es ihnen verliehen hat. Ce n'était pas comme l'homme pensait, mais c'était comme le Saint-Esprit a donné à l'homme, à chacun. Amen. Amen. You know, Paul prayed for people and they received baptism of the Holy Spirit and they spoke with tongues. Paulus hat für Leute gebetet und sie haben die Taufe des Heiligen Geistes empfangen und haben in fremden Zungen gesprochen. Paul a prié pour les gens et puis ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on pouvait parler en langue. You know, the Bible did not say there was a mighty wind. Bibel hat nicht gesagt, es gab einen starken Wind, als das passiert ist. La Bible n'a pas dit qu'il y avait un vent. Amen. Though there was a mighty wind. Obwohl es einen starken Wind gab. Bien qu'il avait un vent impétueux. Amen. Once people receive baptism of the Holy Spirit here, and you know there is always a mighty wind here. Wenn Leute den die Taufe des Heiligen Geistes hier empfangen, gibt es immer einen starken Wind hier. That you don't see it does not mean it's not there. Und nur weil du ihn nicht siehst, heißt nicht, dass er nicht da ist. Et toujours quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il y a toujours un vent puissant, même si tu le vois pas ou bien tu le sens pas, mais il est présent. Are you getting it? That you do not see the wind with your natural eye, because your natural eye is so, you know, they can see nothing. Amen? Yeah. That does not mean he passed away with the apostle. Nur weil du diesen Wind nicht sehen kannst mit deinen natürlichen Augen, heißt nicht, dass es Vergangenheit, dass es vergangen ist mit den Jüngern. Et seulement parce que tu peux pas voir ce vent-là, ça signifie pas que les dons du Saint-Esprit sont morts avec les apôtres. I don't need any wind to believe Christ Jesus. Ich brauche keinen Wind, an Jesus Christus zu glauben. J'ai besoin d'aucun vent pour croire Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. I will not be like Thomas. Je ne suis Thomas sein. Je veux pas être comme Thomas. Remember the book of John. Amen. Ouais. Thomas said, until I see the wind, I will not believe. Thomas hat gesagt, erst wenn ich diesen Wind sehe, dann glaube ich. Thomas a dit dans Jean, jusqu'à ce que je vois le vent, je ne peux pas croire. Johannes 20. Jean 20. Praise the Lord. From verse 21, please. Johannes 20, Vers 21. Jean 20, verset 21. Then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father has sent me, even so I send you. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. There was no way there. Amen. But if they received the Holy Ghost. Aus dem Heiligen Geist empfangen. Ici n'avait pas naturally, un vent. Donc, naturellement, il n'avait pas un vent qu'il pouvait voir, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Whosoever sin you remit, they are remitted unto them. Whosoever sin you retain, they are retained. Mm-hmm. You are the only one that can preach Christ to them. Du bist der Einzige, der Christus zu ihnen predigen kann und sie zu Christus bringen kann. Et vous êtes les seules personnes qui peuvent prêcher la vérité aux gens et puis les ramener vers le Christ. It is only through you their sin can be forgiven. Nur durch dich können ihre Sünde vergeben werden. Seulement à travers de toi, leurs péchés peuvent être pardonnés. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Though they have been forgiven. Auch wenn ihnen schon vergeben worden ist. Bien qu'ils ont déjà été pardonnés. Amen. Amen. Even when, you know, when Jesus died for us, he forgave everybody's sin. But as Jesus past, present and the future. But you have to believe it. Amen. Until you believe, your sin remains. Als Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, hat er das für die ganze Menschheit getan. Ne? Für die vergangenen, für die gegenwärtigen und für die zukünftigen Sünden. Aber du musst an diese Bezahlung glauben, erst dann ist sie für dich gültig. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a pardonné tous les péchés de chaque personne, tous les péchés du passé, du présent et de l'avenir. Mais la chose est que tu dois le croire, tu dois croire que Jésus-Christ a payé pour tous tes péchés. C'est là où tu vas recevoir cette pardon. Mais si tu le crois pas, là tu vas toujours rester dans tes péchés. Praise the Lord. Hallelujah. And what do? We go to them. We preach Christ to them to help them to now know that their sins have been forgiven. Und was tun wir? Wir predigen Christus zu ihnen, damit sie erkennen, dass ihre Sünden schon vergeben worden sind. Et la chose qu'on fait est qu'on prêche aux gens pour qu'ils comprennent que leurs péchés ont été pardonnés. And they should see Christ. Und dass sie Christus sehen sollen. Et qu'ils doivent voir Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 34, from verse 24, please. 24. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, Vers 5. We have seen the Lord. But he said unto them, Except that shall see in his hand the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Mm-hmm. Praise the Lord. It's unbelievable. Amen. It means all he has been teaching, they're showing, they're revealing to, he never believe any of them. Because you know, somebody can be here for 10 years and not believe anything. Somebody was with Christ, he could not believe. Direct. Jemand war bei Christus, mit Christus, und hat es dennoch nicht geglaubt, hat dennoch das alles angezweifelt. Geschweige, wenn jemand hier ist in der Gemeinde, ist klar, dann kannst du auch hier 10, 20 Jahre sitzen und dennoch an all das nicht glauben, was hier gesprochen wird. We are surprised. Dans verset 25, on a écrit, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Donc ça montre une personne, un disciple qui a été avec Jésus-Christ tous les jours, puis qui a eu des révélations différentes tous les jours, il ne pouvait pas croire tout ce que Jésus-Christ l'a dit. Donc aussi une personne qui est à l'église pour 10 ans, ne peut pas aussi, il est aussi capable d'avoir l'incroyance concernant les messages. You can see that Thomas took decision never to believe Christ. Thomas hat sich entschieden, niemals an Christus zu glauben. I have decided to follow Jesus. To believe him. Genauso wie du dich dafür entscheidest, Christus zu glauben, ihm zu folgen, genauso hat er sich entschieden, nicht zu glauben. Et ici on peut voir que Thomas a pris la volonté de ne pas croire Jésus-Christ. C'est la même chose comme on chante, j'ai pris la décision de suivre Jésus-Christ. C'est comme ça aussi, tu prends la décision de ne pas croire Jésus-Christ. And somebody can be here for years and just take decision never to believe Christ. Genauso kann jemand hier jahrelang sitzen und einfach zu entscheiden, the Lord will not force you. Der Botschaft zu glauben. Und der Herr wird dich dazu nicht zwingen. Et comme ça aussi, une personne peut être ici dans cette église pour des années, prendre la décision de ne jamais croire le message. Dieu ne va pas te forcer, c'est ta propre décision. The best he can do is to give you time to repent. Das Beste, was er tun kann, ist, if you refuse, he will spit you out. Buße zu tun. Und wenn du dich weigerst, wird er dich irgendwann rausspeien. Ausspeien. Et le meilleur que Dieu peut faire est de te donner le temps pour que tu puisses te repentir, mais si tu ne te repentis pas, là il va te rejeter aussi. Praise the Lord. In verse 26, he said, after 8 days, again his disciples were with him. 26. And Thomas with them this time. Then came Jesus, the door being shut, and stood in the midst and said, Peace be unto you. Verse 27. Then said he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither my hand, and thrust it into your hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Praise the Lord. Hallelujah. He heard everything that Thomas had been saying. Er hat alles gehört, was Thomas gesagt hat. Jésus-Christ a tout entendu que Thomas a dit. He knows your unbelief, he knows your doubt, he knows your fear. Er kennt deinen Unglauben, deine Ängste, deine Zweifel. Il connaît ton incroyance, il connaît ta peur et tes doutes. Amen. Let us allow him to know us, but that we always believe him. Lass zu, dass er uns als die kennt, die glauben. Amen. Et on doit permettre que Jésus-Christ nous connaît comme les gens qui lui croient. Verse 28. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Mm. Ooh. Praise the Lord. Amen. I will not want Jesus to tell me such a thing. Dass Jesus mir sowas sagt. En verset 29, Jésus-Christ a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, je ne veux pas que Jésus-Christ me dise quelque chose comme ça. That's a hardy heart. Das ist ein verhärtetes Herz. Parce que c'est un cœur endurci. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. The Holy Spirit and his gift are one. Der Heilige Geist und seine Gaben sind eins. Le Saint-Esprit et ses dons sont un. No one can separate them. Niemand kann sie von ihm trennen. Personne peut les séparer de ses dons. I don't need to see anything before I believe Jesus Christ. Ich muss nicht irgendwas sehen, bevor ich an Jesus Christus glaube. Je n'ai pas besoin de voir quelque chose avant de croire Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Holy Spirit and His gift, they are still the same yesterday, today, and forever. Der Heilige Geist und seine Gaben sind immer noch das gleiche, gestern, heute und für immer. Et les dons du Saint-Esprit sont les mêmes comme hier, aujourd'hui et pour toujours. Because Christ is also the same. Weil Christus auch der gleiche ist, er ändert sich nicht. Parce que Jésus-Christ est toujours le même, il ne change jamais. Mm. The Holy Spirit and tongues is like the Spirit. And the fruit. Der Heilige Geist und die Zungensprache sind so wie der Geist und die Frucht. Et le Saint-Esprit et parler en langue sont comme le fruit et und Frucht. Geist und Frucht. Et sont comme Galatien, comme le fruit et l'esprit. Praise the Lord. Amen. Amen. Galater 5. Galater 5. Verse 22. It says, by the fruit of the Spirit. You see that? Galater 5, 22. Galater 5, verse 22. Amen. The fruit of the Spirit. Amen. The Spirit and His fruit. Der Geist und seine Frucht sind eins. Le fruit et l'esprit sont un. Inside the Spirit is the fruit. In dem Geist ist die Frucht. Et dans l'intérieur de l'esprit il y a des fruits. The fruit have its own, the spirit have its own fruit. Der Geist hat seine eigene Frucht. Et l'esprit a son propre fruit. This fruit is coming out from inside the spirit. Die Frucht kommt aus dem Geist. Et le fruit vient de l'esprit. Aus dem Inneren des Geistes. Amen. No one will say God kind of love, God kind of joy, God kind of peace pass away with the apostle. Niemand würde sagen, Gottes Liebe, Gottes Freude, Gottes Frieden ist mit den Jüngern vorbeigezogen. Das gibt es nicht mehr. Et personne peut dire que l'amour de Dieu, la paix de Dieu sont morts avec les apôtres. Personne peut le dire. Amen. Remember also that the gift of the Spirit. The gift of the Holy Ghost. They are coming from inside the Holy Ghost. And you know, people want to separate the Holy Ghost from his gift. But you know, if you are going to separate, you should separate everything. Ja, und die Leute wollen den Heiligen Geist von seinen Gaben trennen. Wenn du die Gabe des Heiligen Geistes von dem Heiligen Geist trennen willst, dann musst du auch alles andere trennen, nämlich auch die Frucht des Geistes aus dem vom Geist trennen. Et les gens, ils veulent toujours séparer les dons du Saint-Esprit, donc les dons avec du Saint-Esprit. C'est ça pourquoi on dit toujours que c'est là où ils doivent aussi maintenant séparer tout avec le Christ, parce que tu ne peux pas accepter l'amour, la paix et la bénédiction de Dieu, mais pas par exemple les dons du Saint-Esprit comme parler en langue. Just like tongues is one of the gifts of the Holy Ghost, so also faith, love, joy, peace, they are all coming from inside the Spirit. They have his own fruit. Just like the Holy Ghost has his own gift. Genauso wie die Zungensprache aus dem Geist herauskommt, kommt auch aus dem Heiligen Geist kommt, stammen auch die Gaben des Geistes aus dem Geist. Mm-hmm. Comme les dons vient aussi du Saint-Esprit, c'est comme ça aussi le fruit vient aussi de Dieu, donc tu ne peux pas les séparer avec Dieu en général. Praise the Lord. Hallelujah. The Spirit and His fruit, you cannot separate them. They remain one and forever. Der Geist und die Frucht, du kannst sie nicht trennen. Sie bleiben eins für immer. Tu ne peux pas séparer à l'esprit et le fruit. Ils restent un pour toujours. Amen. Amen. The root is the Spirit. Die Wurzel ist der Geist. La racine est l'esprit. Amen. If you plant apple, what is going to grow is apple. Mm. Wenn du Äpfel pflanzt, werden Äpfel wachsen, nicht Kartoffeln. Weil die Wurzel vom Apfel stammt. Et si tu plantes, par exemple, la pomme ou terre, là tu... Wenn du Äpfel einpflanzt, werden nicht Kartoffeln wachsen, weil du nicht Kartoffeln gesät hast, sondern Äpfel. Et quand tu plantes des graines de pommes, là tu peux pas recevoir des pommes de terre, parce que tu as pas planté des graines de pommes de terre. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Jesus talked about the roots. Jesus sprach über Frucht. Die Wurzel und die Frucht. Et Jésus Christ il parle de de la racine et le fruit. Say the root is evil, the fruit will be evil. Like when if the root is apple, the fruit will be apple. Er sagt, wenn die Frucht bösartig ist, nee, wenn die Wurzel bösartig ist, ist auch die Frucht bösartig. Wenn die Wurzel ein Apfel ist, dann ist auch die Frucht ein Apfel. Si la racine est mauvaise, ça signifie aussi le fruit va être aussi mauvais. Si genau. Si tu plantes une pomme, c'est une pomme qui va grandir, oui. Qui va pousser. Amen. Amen. I don't need to be there when you plant any seed. Ich muss nicht dabei sein. Once it grows, I can see the fruit. By their fruit, you shall know them. Mm-hmm. Ich muss nicht dabei sein, um zu wissen, was für Samen du gesät hast, sondern die Frucht, die Ernte zeigt mir, was du gesät hast. Je n'ai pas besoin d'être là pour reconnaître quel grain tu as semé, parce que tes fruits vont révéler ta racine. Speaking in tongues is a command. Fremde Zungen zu sprechen ist ein Befehl, ist ein Muss. Parler en langue c'est un commandement. People who know God's children should be happy to speak in tongues. Kinder Gottes sollten sich freuen darüber, in fremden Zungen sprechen zu dürfen. It's a blessing. Es ist ein Segen. Et les enfants de Dieu doivent se réjouir de pouvoir parler en langue parce que c'est une bénédiction. It is as if it's too common here. If you go to Africa, people want to speak in tongues, and pastor is not praying the prayer for them. They hide it, they keep it away from them. It's only pastors that pray, that speak in tongues. Are you getting it? So that people will have the right, they will always come to them for help. Speaking in tongues is a weapon. Und es scheint so, als ob das Leute hier vielleicht für selbstverständlich halten, weil jeder einfach in fremden Zungen spricht. Aber in Nigeria beispielsweise, da ist diese Gabe wirklich nicht so typisch, weil Pastoren dieses Gebet vor den anderen Leuten der Gemeinde sozusagen fernhalten, weil sie wollen, dass die Leute in der Gemeinde immer wieder auf sie von ihnen abhängig sind, von ihrem Gebet, von ihrer Geistlichkeit in Anführungszeichen abhängig sind. Und deswegen lassen sie nicht zu, dass Leute, die ganz normal zur Gemeinde gehen, auch die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Da ist es etwas sehr Wertvolles, was Leute eigentlich ersehen, also wonach Leute streben. Et ici en Europe, ça semble comme si parler en langue, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose normal. Mais en Afrique, il y a des gens qui ont la volonté de parler en langue, mais leur pasteur refuse à leur donner le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça pour qu'on peut voir que les pasteurs sont vraiment égoïstes. Pourquoi? Parce qu'il retient le don du Saint-Esprit de gens qui ont vraiment faim. Mais ici, nous qui avons déjà le baptême du Saint-Esprit, pensons que parler en langue, c'est comme une charge. Praise the Lord. C'est comme une charge. Amen. Amen. You know, on Sunday, we were in 1 Corinthians 14, verse 39, where he said, forbid not to speak with tongues. Am Sonntag waren wir bei 1. Korinther 13, 39. 1439, wo es darum ging, dass man nicht verbieten soll, in fremden Zungen zu sprechen. Et dans 1 Corinthiens 14, nous avons lu qu'on a écrit qu'on doit jamais interdire de parler en langue. If you forbid to speak with tongues, it means you forbid the Holy Ghost from working. Wenn du es verbietest, in fremden Zungen zu beten, dann verbietest du den Heiligen Geist zu arbeiten. Et quand tu interdis de parler en langue, ça signifie que tu interdis aussi le Saint-Esprit à travailler, à se manifester. Amen. Amen. If you forbid the Holy Spirit, you forbid Christ. Wenn du den Heiligen Geist verbietest, verbietest du Christus. Sie sind verbunden. Le Saint-Esprit, tu interdis aussi à Jésus-Christ parce qu'ils sont tous connectés, ils sont tous un. Sie sind verbunden, es ist eine Kettenreaktion. Praise the Lord. Hallelujah. I mean speaking in tongues, what Christ called speaking in tongues, and not what religion calls speaking in tongues. Und ich meine das, was Christus in fremden Zungen zu sprechen, religion have their tongues. Fremden Zungensprachen nennt. Und nicht das, was der Satan fremde Zungensprachen nennt, weil Religion hat seine Zungensprache und der Satan hat auch seine Zungensprache. Et quand je parle de parler en langue, là je parle du don qui vient de Jésus-Christ et pas de la religion, parce qu'on sait aussi que même dans la religion, même les satanistes, et eux aussi, ils peuvent parler en langue, mais c'est pas parler en langue qui vient de Jésus-Christ. On doit faire la différence. In Matthew 12, Jesus talked about sin against the Holy Ghost. Matthäus 12 spricht Jesus über die Sünde gegen den Heiligen Geist. Et dans Matthieu 12, Jésus-Christ parle sur le péché contre le Saint-Esprit. It means saying no to the Holy Ghost. Das bedeutet Nein zu sagen zum Heiligen Et Geist. Et le péché quand tu refuses le Saint-Esprit, tu dis non au Saint-Esprit. It means ignoring the Holy Ghost. Das heißt, den Heiligen Geist ignorieren. Quand tu ignores le Saint-Esprit. Amen. It means rejecting his gift. Das heißt, seine Gaben verweigern. C'est quand tu refuses à les dons du Saint-Esprit. Amen. Mm-hmm. Coming to Christ. You don't pick and choose what you are going to have. Wenn wir zu Christus kommen, da suchen wir uns nicht einfach aus, was wir haben und was wir nicht haben wollen. What you like or what you don't like. Amen. Was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux plus choisir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux avoir ou pas avoir. You don't come to him and just pick and choose what you are going to believe. Du to believe everything of him. Nicht zu ihm und suchst dir aus, was du glaubst und was du nicht glaubst, sondern du kommst zu ihm und akzeptierst alles von ihm. Et quand tu as reçu Jésus-Christ, tu peux pas choisir ce que tu veux croire, ce que tu veux pas croire, tu dois tout accepter ce qui vient de Jésus-Christ. You must submit to Christ. Du musst dich Jesus Christus hingeben. Tu dois te soumettre à Jésus-Christ. That's how you can resist the devil. So können wir dem Satan widerstehen und seinen Lügen widerstehen. Et c'est comme ça que tu peux résister au mensonge du diable. Praise the Lord. Jakobus 4. Jacques 4. Praise the Lord. Amen. James 4, verse 7. Hubus 4, verse 7. Jacques 4, verse 7. It says, submit yourself therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Submit to Christ. Unterwerft euch Christus. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Amen. That's how to destroy the lies of Satan. So zerstören wir die Lügen des Satans. Et c'est comme ça tu détruis les mensonges du diable. Accept everything of Christ. Alles von Christus akzeptieren. Accepte tout du Christ. That's how Satan running away from you. So flieht der Satan vor dir und seine Lügen. Et c'est comme ça le diable fuira loin de toi. Some want to accept Jesus but reject the Holy Spirit. Einige wollen I don't know if you get it. They say they want to say they will say yes to Jesus, but the Holy Spirit no. Anyone ja zu Jesus sagen, aber nein zum Heiligen Geist. Il y a des gens qui disent oui à Jésus-Christ, mais non au Saint-Esprit. Amen. Some want to accept the Holy Spirit, but reject his gifts. Und andere wollen den Heiligen Geist akzeptieren, aber seine Gaben wollen sie verweigern. Il y a des gens qui veulent accepter le Saint-Esprit, mais rejeter ses dons, comme par exemple parler en langue. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You come to Christ and be meek. Wir kommen zu Christus und sind demütig. Et quand tu viens à Jésus, vers Jésus-Christ, tu dois être humble. How are you going to be meek before him by saying yes to whatever he's saying? Wir sind hier demütig. You don't have your own mind, your own opinion. It's not about where we don't listen to any man's opinion, but Christ. Amen. Indem wir ja sagen zu ihm und nur seine Meinung zählt und keine andere Meinung. Et la façon comment tu es humble devant Jésus-Christ, c'est quand tu acceptes l'opinion de Jésus-Christ et pas de l'homme. Ce n'est pas aussi tes propres opinions, mais seulement l'opinion qui vient de Jésus-Christ. I hate this word opinion. Cassie's word it. Meinung. What is your opinion? That's flesh. That is completely flesh. Aber es ist vollkommenes Fleisch, nach einer Meinung zu fragen. Und es ist bösartig vor Christus. Et je déteste le mot opinion parce que c'est complètement charnel, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ et c'est mauvais devant Jésus-Christ. The question should be, what is the word of Christ? Die Frage sollte sein, was ist das Wort von Christus dazu, zu diesem Thema? La question doit être, qu'est-ce qui est la parole de Jésus-Christ? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In 1 Corinthians 12. 1 Korinther 12. In Korinthian 12. Let's go to 1 Corinthians 12, please. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1 to 11. 1 bis 11. 1 Corinthians 12, verse 1 à 12. He said, now, are we there, please? 1 to 11, please. Verse 1 à 11. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, now concerning the spiritual gifts, brethren, I will not have you ignorant. You know that you were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as you were led. Wherefore, I give you to understand that no man speaketh by the Spirit of God, called Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord by the Holy Ghost. Praise the Lord. Amen. It's not just saying it. That saying must come from your heart and you submit to Him. Sagen, sondern die Sagen muss aus deinem Herzen kommen. Du musst dich dazu bekennen. Ce qu'on a écrit dans verset 3, ce n'est pas seulement que tu le dis avec ta bouche, mais que tu le crois avec tout ton cœur. Amen. Mm-hmm. You know, you don't know. Allah say it, but they never submit to Christ. Viele sagen es, aber sie übergeben sich nicht Christus. Stop saying it. How I will know that it's not coming from your heart is through your submission. Und wie wir erkennen, dass es nicht von deinem Herzen kommt, ist indem du dich eben nicht Christus hingibst, dann kommt das, was du sagst, nicht aus deinem Herzen. Et il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc il est Dieu, mais à travers leur submission, on peut voir qu'ils ne le disent pas avec leur cœur, que c'est seulement des paroles en vain. Also remember Romans 10. With your heart you believe, with your mouth you say. Confession is made. It is your heart. The believing must come from your heart. The Christ that is in you. Praise the Lord. Auch in Römer 10 lesen wir, dass du glaubst mit deinem Herzen, bekennst mit deinem Mund. Dieses mündliche Bekenntnis muss aus deinem Herzen kommen. Ne? Sonst ist es nicht dich, sonst ist es einfach nur, sind es leere Worte. Mm. Et dans Romains 10, on a écrit, tu crois avec ton cœur et puis avec ta bouche, tu le confesses. Et c'est ça pourquoi le cœur est même plus important que tes paroles, parce que c'est à travers ton cœur que tout est basé. Verse 4. Here. Verset 4 maintenant. Il dit, now there are diversities of gifts, but the same spirit. Praise the Lord. Amen. Amen. And there are differences of administration by the same laws. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But verse 7. Merci, Seth. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. To profit with all, not for you alone. Whatever gift you have is for everybody. Die Gabe, die du hast, ist für jeden zugänglich. Somebody get it. Le don que tu as et la manifestation de le Saint-Esprit est donné pour l'utilité commune, c'est pas seulement pour toi-même. For to one is given by the Spirit of the word of wisdom. Wit. To another the word of knowledge by the same Spirit. To another faith by the same Spirit. All these spirits, you have them. All these guys have to. You have them, I have them. Tu as ces choses. Et tous ces esprits, tu l'as en toi. Toi, tu l'as, moi, je l'ai aussi. Here he's talking about the time of manifestation. Hier geht es um die Zeit der Manifestation. Verse 8 parle du temps de la manifestation. Amen. It's talking about the time. You know, there's the time your mouth is in your body. Your eyes is in your body. Your nose, your eyebrow, your organs, they are all in your body. But there's the time that you use your eye to see. There's the time you use your mouth to eat. It does not mean that you just all your body's eye. I don't know if you are getting it. All your body is just nose alone. How people are jack, they say, okay, I have the gift of knowledge. That is my that's just my calling. There's nothing like that. Mm. All these gifts, all these spirits, because they are Christ. He's talking about Christ here. They are all in Christ, and Christ is in you. Mm. Is somebody getting something? Mm. Und all diese Gaben have Christ. Kannst du auch mit den Körperteilen von dir vergleichen, zum Beispiel deine Nase, deine Augen, dein Mund sind immer bei dir, aber du nutzt nicht immer alles zur gleichen Zeit, ne, auf die gleiche Weise. Manchmal nutzt du mehr deine Nase, manchmal nutzt du deinen Mund gerade zum Sprechen, manchmal nutzt du ihn nicht zum Sprechen. Aber das heißt, dass du deinen Mund dann abgelegt hast und nie mit deinem Mund geboren worden bist, sondern dein Mund ist immer bei dir. Die Frage ist nur, wann du es einsetzt, wann du es nutzt, und so ist es auch mit den Gaben Gottes. Und deswegen ist auch nicht richtig, wenn Leute dann halt beispielsweise sich so krass nur auf den Mund fokussieren und denken, dass sie nur komplett aus einem Mund bestehen, obwohl sie dabei vergessen, warte, der Herr hat mir auch noch meine Nase, hat mir auch Ohren gegeben, noch Hände gegeben, der Herr hat mir noch andere Gaben gegeben, ich soll nicht nur in fremden Zungen sprechen oder ich soll nicht nur weissagen, sondern all diese Gaben sind für mich zugänglich, nach seiner, von ihm geleitet natürlich, ja. Dans verset 8, on peut voir qu'il y a des dons différents, comme par exemple le don de sagesse, le don de connaissance ou le don de la foi, par exemple. Et à beaucoup, les gens pensent que si tu es un enfant de Dieu, tu as seulement le don de parler en langue, le don de la connaissance. Mais ce n'est pas la vérité parce que le Saint-Esprit, il est un. Quand il vient dans ta vie, il vient avec tous ses propres dons. Mais ici, dans verset 8, Paul parle du temps quand ces dons se manifestent. C'est par exemple aussi avec tes yeux, avec ton oreille, ou bien avec ton nez. Tu les as en toi, mais les temps quand tu utilises tous tes organes sont différents. Il y a aussi un temps où tu utilises tes yeux pour voir. Il y a un temps où tu utilises ta bouche pour parler, mais ça ne signifie pas que tout ton corps existe seulement à travers ta bouche, ou bien que tu es seulement ton nez. Tu es tous tes organes, tout ce que tu as avec dans ton corps, mais il y a un temps quand tu peux maintenant utiliser tout ce que tu as en toi. Et c'est la même chose avec le don du Saint-Esprit. Tu as tous ces dons en toi, mais il y a un temps où, par exemple, le don de parler en langue se manifeste, ou le don de sagesse se manifeste. Praise the Lord. Alléluia. He said, verse 9, to another, faith by the same Spirit. To another, the gift of healing by the same Spirit. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, the signing of the Spirit. To another, diverse kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. Praise the Lord. Hallelujah. You know, all these, they are the Holy Ghost properties. Just like your body is your property. Mm-hmm. The part of your nose, your leg. You don't use them at the same time. You choose to use them. I choose to move my hand. You understand? So the Holy Ghost is all this, they are the Holy Ghost property. The Holy Ghost that is in you. So he chose when you use them. Und I hope you get it. All das ist der Besitz des Heiligen Geistes. Und diesen Besitz haben wir durch den Heiligen Geist empfangen. Und wir sind jetzt Herr darüber, indem wir entscheiden können, wann wir was davon nutzen. Genauso wie ich entscheide, meinen Arm zu benutzen und meine Arme gerade nicht zu benutzen und meine Beine zu nutzen und sie gerade nicht zu benutzen. Sie bewegen sich nicht unabhängig von mir, weil sie zu mir gehören. Et tous les dons qu'on vient de mentionner ici sont les biens du Saint-Esprit, tu l'as tout, mais c'est à toi quand tu veux l'utiliser. C'est la même chose avec tes parties du corps. Tu as un bras et tu as des pieds, mais c'est à toi quand tu veux l'utiliser. Verse 11, il dit, but all this worketh that one and the self same Spirit, divided to every man severally as he will, because All these gifts, they are his properties. Weil all diese Gaben sein Besitz sind. Amen. Mm-hmm. Et oui, ça, ici verset 11 nous montre que tous ces dons sont les biens du Saint-Esprit. Amen. Amen. Then in verse, look at from verse 12. And I talk about the body that I use as an example. Und da jetzt über das über den Körper, den ich gerade eben als Beispiel genannt habe. Et dans verset 12, Paul parle maintenant du corps que j'ai donné comme exemple. Praise the Lord. Hallelujah. You can see how religion, they attack everything there. They say miracle center. They say healing center. You call it, that should never be. Mm. You know, Peter was able to look at Peter, Paul, and others. Yeah, Paul was not a delivering minister. He just delivering everybody. He was everything. And because Christ is all in one. Mm. Once you have him, you have all the powers. Und ihr seht, wie Religion heutzutage... You can preach anything. You can preach whatever you want you to preach. Mm. Heutzutage diese Gaben versucht hochzunehmen, in dem Sinne, dass sie sagt, okay, wir fokussieren uns nur auf die Heilung. Unsere Gemeinde ist nur auf Heilung aus. Oder unsere Gemeinde ist nur auf finanzieller Segen aus. Oder unsere andere Gemeinde ist nur auf Ehe aus. Wir predigen die ganze Zeit nur über Ehe. Mm, ne, aber, ne, und das ist halt nicht Christus, weil Christus ja auch nicht so wirkt. Ne, wir sehen es ja auch im Leben von Paulus, dass er in der Lage war, egal wo, egal wie, immer mit der Wahrheit zu versorgen. Und es ist egal, welche Themenbereich, ob es eine Geisteraustreibung war, ob es Eheberatung ist, ob es, keine Ahnung, jemandem helfen, der in Depression ist, weil es der gleiche Geist, der halt dann durch diese Person gewirkt hat, um die Wahrheit zu verkündigen an diese Person. Und nicht eine Person, die sich aussucht, nur für depressive Leute da zu sein, nur für depressive Leute das Evangelium verkündigen kann. Und wenn es dann um Heilung geht, keinen Plan und keine Ahnung hat. Et on peut voir que la religion a causé beaucoup de problèmes, parce que il y a des églises qui disent nous sommes l'église seulement pour la guérison, l'église seulement qui prêche sur le mariage, l'église qui prêche seulement concernant avoir des visions, mais ça, ce n'est pas du Christ, parce que le Christ, comme déjà expliqué, quand il vient dans notre vie, il vient avec tous ses biens, donc on les possède tout en nous, mais beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent seulement prêcher sur comment avoir des enfants, ou bien comment recevoir l'argent, mais ce n'est pas le Christ, parce que si tu as le Saint-Esprit, tu es capable à prêcher sur tous les sujets, même si tu n'es pas marié, tu peux pas prêcher sur le mariage, même si tu n'as pas encore des enfants, tu peux même donner des conseils aux parents comment éduquer leurs enfants. Et c'est ça qu'on peut même voir dans la vie de Paul, Pierre et les autres apôtres, que Paul, par exemple, il n'était pas seulement là pour guérir les gens, mais il était aussi là pour leur donner le baptême du Saint-Esprit. Il n'était pas seulement là pour prêcher aux gens, mais aussi pour guérir les gens. Donc on peut voir qu'ils avaient, le Saint-Esprit en eux, et c'est ça pourquoi ils pouvaient faire tout qui concernait le don, qui concerne le don du Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. I have never been depressed, but I can bring you out of depression. Amen. Ich hatte noch nie mit Depression zu kämpfen, aber ich kann dich aus Depression rausholen durch die Wahrheit. Moi, j'ai jamais été dépressif, mais je suis capable à te faire sortir de la dépression à travers de Jésus-Christ. Amen. The lady was here some time ago. Said her church. The church she was going before, it was all about prophecy, vision. They've just had vision it's all vision throughout. I've seen this in your life, I've seen that in your life. He said there's nothing message, all vision. Can you see how evil? Aber eine Person, die mal hier unsere Gemeinde besucht hat, hat auch mal gesagt, dass ihre alte Gemeinde, da ging es immer nur um Visionen und man hat einfach immer nur gesagt, okay, woher diese Person kommt, was diese Person gemacht hat, wer die Feinde von dem sind, wie der Kontostand von der Person ist. Man hat die ganze Zeit nur Visionen gegeben. Und es gab keine Botschaft, sondern die Botschaft war, dass man einfach die ganze Zeit Visionen hat. Et il y avait une femme ici dans cette église qui m'a dit que dans son église, eux par exemple, ils prêchaient seulement, ou bien ils parlaient seulement sur des visions, donc sur les prophéties. C'était jamais basé sur la vérité, sur le message de Jésus-Christ, mais seulement sur avoir des prophéties pour savoir ce qui se passe dans la vie des gens. Quand on voit si how many times they went to the toilet yesterday. oder kann sehen, wie oft jemand auf Toilette war beispielsweise, weil es diesem Menschen ja nur um Menschen geht. Ne? Also ihr Fokus ist ja auf den Menschen. It's all about people and their life. Und ihr Leben. Et ce sont les pasteurs qui savent combien de fois une personne a été à la salle de bain, par exemple. Donc, il s'agit seulement d'avoir le pouvoir sur les gens. Ça, il ne s'agit jamais de Jésus-Christ. C'est mauvais, c'est diabolique. Praise the Lord. Hallelujah. You can see also see how some want to accept the message here, but reject the people here. Aber wir können auch sehen, wie einige, die they love the message. The message is good by the people. Die Botschaft akzeptieren wollen, aber die Leute verweigern. On peut voir aussi comment on peut voir aussi comment les gens aiment le message, mais ils rejettent les gens dans cette église. Ils n'aiment pas le pasteur, ils n'aiment pas les enfants de Dieu qui se trouvent dans cette église. They love the message. Ils aiment le message, mais ils détestent l'église. Amen. Jesus said, "You shall know them by their fruit." Jesus sagt, du wirst sie durch ihre Frucht, durch ihre Botschaft erkennen. So wirst du erkennen, dass sie zu mir gehören. Et Jésus-Christ a dit, tu vas les reconnaître à travers ses fruits, à travers leurs fruits, à travers le message. C'est comme ça que tu vas savoir s'ils appartiennent à moi ou pas. It means if the church, the people. And the message, they always one. You cannot separate us. Die Leute und die Botschaft sind immer eins. Du kannst sie nicht von dieser Botschaft trennen. Et ça signifie que le message et les gens dans cette église ici sont un. Tu peux jamais séparer les gens et le message. Amen. Le message. Jesus said the root and the fruit, they always go together. Jesus sagt, die Wurzel und die Frucht gehören immer zusammen. Jésus-Christ dit la racine et le fruit. Ils sont toujours, ils appartiennent à l'un l'autre. You know, even evil people, they always want the fruit, but not the roots. What's the people? Evil. Evil. Böse Leute wollen immer die Frucht, aber nicht die Wurzel. Les gens mauvais, ils veulent toujours le fruit, mais ils rejettent la racine. On va lire Matthieu 11. Matthieu 7. Matthieu 7, vers 13. Matthieu 7, verset 13. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Il dit, enter ye in at the straight gate. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereafter.